بسم الله الرحمن الرحيم. Le dernier vers, on a pris Hamza en milieu de mots. Awalan, c'est quoi le tartib des harakat? Le tartib muhim, tu connais bien parce qu'il t'aide à définir les harakat qui ne peuvent en suivre d'autres ou en précéder d'autres dans certaines situations. Par exemple, la kasra, comme cela on l'a pris, si le hamza est maksour, d'accord, il s'écrit sur le ya, quelle que soit la harakat qui vient devant, parce que c'est la plus forte. La dhamma, il ne faut pas qu'il y ait de kasra devant, parce qu'elle est plus forte. Et la fatha, il n'acceptera qu'une fatha devant. Voilà, par rapport à ça. طيب. Donc le hamza, en milieu de mot, s'écrit sur quelle forme de façon générale? Sur quelle lettre s'écrit le hamza de façon générale? De façon générale, avant de prendre le tafsil. S'écrit sur la lettre qui est de la nature de sa harakat. Ça c'est la base, la règle générale. Après, on regarde la lettre qui est avant, sa harakat. Ça apporte des changements. طيب. الآن, الحمزة sur le ya. الحمزة, c'est qui sur le ya? À quel moment? كانت مكسورة كان مزبوط بيا ما هيوه كان مزبوط بيا ساكن وكان مزبوط بيا كان مكسورة كان مزبوط بيا أو كان ما قبلها مكسور أو يا ساكن. طيب الحمزة كي مكسورة سكي صليا مطلقا. سي الأخر سيني با مكسورة أبت مفتوحة أبت مذمومة أبت ساكنة. سي سكي دوفون سن كسرة أو أن يا ساكن سكي غاسيو غايا باسكو سي لا بلو فورت. تا أن إكزومبل دا حمزة مكسورة أصل حمزة مكسورة. مئين. مئين. مئين. مئين. نعم. مئين. تعال مثلا سئل كذلك. طيب. سأل. لا. سأل فمكسورة. طيب. عن اكزامبل ده حمزة. Qui est devancé par une kasra. Quel que soit sa harakat, s'il y a une kasra devant, khalas, c'est qui sur le ya. Exemple. Un autre que mi'in, parce que lui aussi ça marche. On met le maksour, mi'in. Là, on veut un hamza qui n'est pas maksour, mais qui est devancé par un ya, ou qui est devancé par une lettre qui est maksour. Qui est devancé par une lettre qui est maksour, mais qui est devancé. Quel que soit la harakat du hamza. Fiatun, Salam. Maintenant, Hamza, qui est devancé par un Ya Sakin. quelque chose en harakat. Asa Hamza. Donc c'est par Aya. C'est par Aya, c'est Itienne. Itienne ? Et le Hamza, tu le vois ? Ah ouais, le début. Il n'y a pas de devant. Devant le Hamza. Il n'y a rien devant, il n'y a pas de harde devant. Là, je te dis, de chacun, tu retiens un exemple après. Sayoun, Mathalan. Sayoun. Say, c'est Sin. Après, Ya. Après, le coursilla pour le Hamza. Qu'il y a une dhamma, et après ce hamza, un waouh. C'est un. Taïb. À quel moment le hamza s'écrit sur le waouh? Naam. Exemple, waouh, mazmouma, غير مزبوكة بيا, ولا كسرة. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est une كسرة, il y a deux mots, là, ça va être sur le ya, ça sera pas sur le waouh. Le waouh, il peut avoir sa fracate. Là, on veut un. Si les mazmoum, il ne faut pas que ça devance d'une kasra ou d'un ya. Tu veux un mot? Raoussa. Raoussa. Taïeb. Maintenant, on veut Hamza, il s'écrit sur le waw, c'est devancé d'une dhamma. Il y a qu'une charte aussi que cette Hamza ne soit pas maqsour. Il peut être sakin, il peut être madmoum, il peut être maftour. Un meché qui ne soit pas maqsour. Et il est devancé d'une dhamma. Lou'aï, mathalan. Lou'aï. Tu peux dire you awwilu. Fouad, si non, on est dedans, Fouad. Fouad, il est dedans. Non. Il n'a pas mis. Il n'a pas mis Fouad. Il est dedans, Fouad. Parce qu'en fait, c'est au fa. Après, c'est un. Waouh, en guise de coursi pour le Hamza, qui est maftour, après c'est un alif, après c'est un del. Comme Souel. Taïb, Aza. Essaye de retenir un exemple de chacun. Ça va t'aider, Inch'Allah ta'ala. Al-An, nakhouz rasm al-Hamza à la surat al-Alif. Troisième phase, lorsque le Hamza s'écrit sur un alif. Tulsam al-Hamza à la surat al-Alif, iza kanat maftouhatan, ou kana ma kablaha maftouhan. بشرط خلوها وما قبلها من عن الكسر والضم donc si elle met les maftouha le hamza d'accord ce qui est sur le alif à condition qu'elle ne soit pas précédée d'une kasra ou d'une dhamma sinon si elle est précédée d'une dhamma c'est écrit sur le waw si elle est précédée d'une kasra sur le ya. Maintenant, ce n'est pas maftouha. Par exemple, sakin. Mais il faut qu'il y ait ce qui est devant, soit maftouh. Vous voyez, parce que devant, c'est maftouh. À ce moment-là, c'est écrit sur le alif, kazalik. طيب امثله لحمزه المفتوحه غير المسبوقه بكسر او ضم celle qui est مفتوحه qui n'est pas précédée d'une kasra ou d'une dhamma سأل وأدى رأى نأى امرأة منسأة ميضاءة يسأل مسألة مرأة ظمأة. Regarde bien tous ces exemples. La Hamza, Maftouh, d'accord ? Et ce qui est devant, ce n'est pas une kasra, une dhamma. Donc là, c'est écrit sur le alif. Amthila al-Hamza al-Mazbouka bi-Fath, l'Esif Maksoura ou Madbouma. Maintenant, un Hamza qui est devant une fatha. Il faut que ce Hamza ne soit pas Maksour et la Madboum. C'est-à-dire qu'il soit soit Maftouh ou soit Sakin. مثلا ياكل يامر كاس راس ياتلف فاره مامور ماوى تؤمنين دون ياكل حمزه اللي كوا ساكن اي devant lui c'est quoi fatha et l'exemple de la avec la fatha on les a pris devant. طيب الان رسم الحمزه على السطر تواري الامثال. Que le Hamza s'écrit sur la ligne à cause du fait qu'on aura deux lettres de même genre qui se suivront. Et ça c'est makrouh, on a dit en langue arabe. قال تكره الكتابة العربية توالي الامثال او تكره الكتابة العربية توالي الامثال ولذلك كانوا يحذفون ما تكرر من الحروف نحو مد وداود اصلها مد وداود كنا عرب ونم با avoir de même lettre de même nature d'affilée c'est ça que des fois on fait ce qu'on appelle la shadda c'est deux lettres du même genre la première est sakine deuxième elle est mutaharrika comme dans mad à la base c'est mad et daoud là-bas, c'est Daoud avec deux waouh. On en a enlevé un, pour pas qu'il y ait deux waouh d'affilée. Qala, wa kathalika al-hal fil hamza. Iza jawara harf sakin min jins al-harf al-lazi kana min haqqiha en tursama ala suratihi. Fainu yitarattab ala hadha tawali al-amthal. Wa hadha fi bab al-waouh wal-alif, fakat. Fatuktabu al-hamzatu al-satr mufradah bidun hamil. Ils ont dit, c'est pareil pour le Hamza. Si jamais elle est précédée ou qu'il vient derrière elle un harf sakin de la même nature que le harf sur lequel on l'aurait écrit, par exemple un Hamza sur un alif précédé d'un alif ou qu'il y a un alif après, le Hamza l'écrira à ce moment-là où ? Sur le satr. Ou un Hamza sur le waou. Si ce waou qui est à la base, qui est le kursi, la chaise du Hamza, précédé d'un waou, ou qui vient derrière ce cours-ci, un autre waouh, on a qu'on aura deux waouh d'affilée, à ce moment-là, le hamza, on l'écrit où ? Sur le satr. Et ça, c'est valable que pour le alif et le waouh. Mais le ya, lui, il reste à sa place. Parce que on aura un ya, ce qu'on appelle après un nabra. Je dis qu'il me pose problème, parce qu'à la base, c'est un ya aussi. Il reste. Tu vois, il reste. Hein? Une espèce de ligne. Comme Seyoun par exemple. Seyoun, on a un ya devant. Qu'est-ce qu'on a derrière après? Le ya qui est coursi du hamza. Mais ça n'a pas la forme d'un ya vraiment à la ligne comme ça. Donc ça passe. Ça aurait été un wa ou un alif. On l'enlève, on aurait écrit le hamza sur le satr. Après il dit short, istithna. Illa iza kana ma qabla al hamzati yattasilu bima ba'dahu min al huruf. فنرسم الحمزة على النبرة كي تتصل الكلمة يصير على بعض هنا حرف الحمزة entre deux lettres et à la base ces deux lettres là elles s'accrochent d'accord elles s'accrochent à ce moment là le Hamza on ne le met pas sur la ligne on le met sur la نبرة pourquoi parce que sinon on aura l'impression qu'on aura deux mots ça va avec l'exemple. Exemple avec le waouh. Rous. Regarde rous. On écrit le hamza sur quoi ? Sur le satr. Parce que si on aurait qu'il soit un waouh, on aurait eu quoi ? Deux waouh d'affilée. D'accord ? Bada'u. Kazalik. On aurait écrit le Hamza sur le waouh, on aurait eu deux waouh d'affilée. Yabda'ouna. Le fils, c'est le faire bada'a. Yabda'ouna. Kazalik. Parce qu'à la base, là, le Hamza aurait mérité quoi comme kursi ? Un waouh. Car là, le Hamza est madloum, et devant, c'est quoi ? Une fatha. À la base, il méritait un waouh. Mais comme on a un autre waouh derrière, on n'écrit pas le waouh, on écrit le Hamza sur la ligne directement. Ibda'u, kazalik. Mubtadi'un. Yakra'un. Da'ubun. Ra'ufun. Ra'umun. تبوؤ موؤودة مرؤوس وكذلك دوؤه يسؤه هدوؤه تبوؤك إن تبوؤك إن تبوؤك عفوا تبوؤك وإن تبوؤك قال ملحوظة تقدم في القاعدة أن الواو ساكنة بمنزلة الضمة واو ساكن بكم ضمة وبالتالي فإن الحمزة المفتوحة بعد الواو ساكنة من حقها أن ترسم رسوة الواو كما نجي سيا مثل حمزة مفتوح طيب أبقى أن واو ساكن نعم ونكي سخوة الحمزة ونكي سخوة سر الواو D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a dit le waouh, sakin, c'est comme une dhamma. Donc ça prend le jugement que le hamza précédait le dhamma. Donc s'il était maftour, il aurait été en droit d'être écrit sur un waouh. D'accord. Qala fa tatawala al-amthal fa tursam ala al-sathr. Donc à ce moment-là, comme on aura deux waouh d'affilée, le hamza on l'écrit où? Sur le sathr. Exemple. السماو ال توأم أو توأم سوءة موبوءة نبوءة ليس نبوة نبوءة طيب نبوءة لن يسوءك إن دوءك ساطع أصبيع وضوءك يبوءان يسوءان ينوءان. Ce sont les mêmes verbes avec Alif al-Isnain. Donc là, à ce moment-là, on enlève le waouh pour pas qu'on ait deux waouh d'affilée. Mais à la base, ce Hamza aurait été écrit sur le waouh. C'était la base. Maintenant, il va donner les exemples. Amsilat tawali al-waouh 'inda ittisal kalima. Des exemples dans mon oreille. Deux waouh d'affilée. Mais comme les lettres à la base elles s'accrochent, on n'écrit pas le Hamza sur le centre, on écrit sur le Nabra, ce qu'on appelle le Nabra. Pour pas qu'on ait deux mots différents. Masalen, Fousun. Fousun, à la base on aurait dû avoir Fousun, le Hamza aurait dû s'écrire sur un waouh. Comme on aurait eu deux waouh, on l'aurait écrit sur quoi? Sur la ligne. Et si on écrit sur la ligne, on aurait écrit, quoi? Un fa, tout seul. Et après, ous de l'autre côté. Donc on avait quoi pour que les deux mots s'accrochent? On a mis le hamza sur le nabra. C'est comme le ya en fait. Kousun. Saoulun. Saoulun. Kaoulun. Naoumun. Yaoulun. Ou yaoulu. Yaouduhu. Yaousun. Lajaou. Aljaou. لجأوا ألجأوا أنشأوا ينشأون أخطأوا يبتؤون يلجأون مسؤول مسؤول مفهوم هذا؟ à la base ça aurait été sur un waouh mais on aurait eu droit à deux waouh d'affilée donc on aurait dû l'écrire sur le centre. Et si jamais on l'écrit sur la sorte, on aurait fait quoi? On aurait coupé le mot en deux. Donc là, on l'écrit sur quoi? Nabra. قوله تنبيه اشترطنا في رسم الحمزة على سطر أن يجاورها حرف ساكن من جنس الحرف الذي من حقها أن ترسم على صورته أي من لكم كونديسيون pour que le Hamza s'écrit sur la ligne, elle doit être à proximité ou suivi ou précédé d'un harf sakin de la même nature que le harf sur lequel on a écrit sur Hamza. On a dit quoi comme condition ? Qu'il soit sakin. فَإِذَا تَحَرَّكَ هَذَا الْحَرْفِ رُسِمَتْ عَلَى سُورَتِهِ. Maintenant, c'est le harf qui est sakin, maintenant il est mutaharrik. Alors, on va écrire le Hamza sur son même lettre et va rester, on ne va pas l'enlever. Ou une tawarat et l'amsel, même s'ils se suivent d'affilée. On n'enlève pas. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a un char qui est tombé. Parce que maintenant, il est mutaharrik. Exemple. Adaw ou hum. Adaw ou hum. Là, on a deux waw d'affilée. On a le waw du kalima et le waw qui est le coursier du Hamza. Cependant, le waw du kalima, il est quoi ? Le maftouh. D'accord ? Il est maftouh. Donc là, on n'écrit pas le Hamza sur le satr. On l'écrit sur le waw. Le waw, il reste. Asaw uhum. Kazalik. Adaw uhum. Anaw uhum. Ay, a'maluhum al-anwa. Bil-anwa. Nahu. Yu'wi. Yu'wa. Yu'woon. يؤول ça c'est des exemples avec quoi avec le waw là on a deux waw d'affilée celui qui est le coursier du hamza et l'autre qui est le waw du mot cependant là il est mutaharrik donc il reste le coursier du hamza on le laisse on l'écrit pas sur satr ça c'est des exemples avec le waw amsila tawali al-alif maintenant que des alifs qui se suivent yatasaaloun يتساءلون donc là le hamza il s'écrit où sur le sotre et cette règle là qu'on vient de lire à l'instant là elle ne marche pas pour le alif parce que le alif est tout en sakin contrairement au waw. Donc forcément, la lettre qui viendra derrière, elle sera sur Sotr. Et que le alif ne s'accroche jamais à ce qu'il y a derrière. Donc là, la règle du Nabra, il ne l'aura pas non plus. Donc là, le Hamza viendra forcément sur Sotr. Yatasa'aloun, tada'ala, tafa'ala, tara'a, ra'a, inna, dawa'aka, wa shifa'aka, wa qira'at. Waba'a. Là, c'est quoi ba'a? C'est le verbe ba'a yabou. Au mardi avec Alif al-Isnain. Ja'a. Kazalik. Ja'a. C'est le verbe ja'a, yadji. Et là, il est mutassil bi Alif al-Isnain. Donc le Alif, on l'écrit après le Hamza. Et le Hamza, il est sur le sotr. Sha'a. C'est le verbe sha'a, yasha'u. Là, c'est au mardi. Moudari, yasha'ani. Voyez, sha'a, moudari, yasha'ani. Et le verbe aza'a, yudhi'u, si tu mets alif l'isnin, tu vas dire aza'a, بعد الحمزة, alif. Donc, le alif, il n'y a pas de nabara derrière, parce que le alif ne s'accroche pas à ce qui va derrière. Et kazalik, il n'y a pas de deuxième alif, car il est sakin. D'accord, il est sakin. Donc là, forcément, tu écris le hamza sur le sotr. Lazim. Donc ça, pareil, pour que tu retiennes la chose, prends la règle, un exemple. Tu te concentres sur un exemple, inshallah, tu rakiz, ou summa, ça va comme avec biznina ta'ala. Ma fumuna hada ? طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين.